je ne suis plus tout à fait moi. Ici je te vois partout, pas une pièce qui ne t'oublie. Ici je les entends partout, tes histoires de petites filles. Dans ta chambre je ne peux pas y entrer, c'est trop pour moi. Non, dans ta chambre je n'y vais pas. Tes poupées s'ennuient sans toi. Je n'y arriverai pas. Plus rien n'a de sens ici. Je ne peux pas me dire que c'était écrit. Là où il y avait la ville, sur les murs, je lis ton prénom. Tous tes amis parlent de toi, ils t'ont même écrit une chanson. Qu'est-ce que j'espère encore pour toi? Quand le téléphone sonne, mon cœur se serre, dis-moi pourquoi. Même si je fais l'effort devant les autres, je ne tiens plus de. Chambre, je ne peux pas y entrer, c'est trop pour moi. Non, dans ta chambre, je n'y vais pas. Tes poupées s'ennuient sans toi. Je n'y arriverai pas. Plus rien n'a de sens ici. Je ne peux pas me dire que c'était écrit. Je ne peux pas y entrer, c'est trop pour moi. Dans ta chambre, je n'y vais pas. Tes poupées s'ennuient sans toi. Oh non, non, non, c'est pas la peine. Non, non, non. Je parie que tu dis qu'on finira pas ensemble. Et qu'importe au fond, tu fais bien comme bon te semble. Je vois bien que sous tes grands airs, y a ton petit cœur qui tremble. Car dans le fond, tu sais comme on se ressemble. Tu disais que c'était pour la vie. Tu l'avais promis. Pourvu qu'on s'aime comme au premier jour. Et puis qu'on rêve, pourvu que l'amour nous donne des ailes, qu'on s'aime, nos soucis, nos problèmes. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Je joue le jeu, tu finis toujours par gagner. Et pourquoi faire semblant quand t'as déjà décidé? Je te laisse penser qu'au fond, c'est toi qui as le contrôleur. Parfois je te rends fou, tu casses tout, avoue que c'est drôle. Tu disais que c'était pour la vie. Tu l'avais promis. Pourvu qu'on s'aime comme au premier jour. Et puis qu'on rêve. Pourvu que l'amour nous donne des ailes. Qu'on s'aime, nos soucis, nos problèmes. C'est pas la peine, pourvu qu'on s'aime comme au premier jour et puis qu'on rêve. Pourvu que l'amour nous donne des ailes, qu'on s'aime, nos soucis, nos problèmes. C'est pas la peine, c'est pas la peine. Oh non, non. la peine. Non, non, non. Oh non. Non, non. C'est pas la peine. Non, non, non. Pourvu qu'on s'aime comme au premier jour et puis qu'on rêve. Pourvu que l'amour nous donne des ailes, qu'on s'aime, nos soucis, nos problèmes, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Pourvu qu'on s'aime comme au premier jour et puis qu'on rêve. Pourvu que l'amour nous donne des ailes, qu'on s'aime, nos soucis, nos problèmes, c'est pas la peine. Esteu escoltant Hola la Music amb Rafael Corbí. Et toi, qu'est-ce que tu regardes? T'as jamais vu une femme qui se bat? Prends garde sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Prends garde sous mon sang la grenade, sous mon sang la regarde, sous mon sang la grenade. Déguisé en matone. Et toi, je pourrais te faire mal. Je pourrais te blesser, oui. Dans la nuit qui frissonne. Prends garde sous mon sang là. Doncs seguim amb la música a través del nostre espai, a través de l'Hola la Music en el dia d'avui, però hem canviat de protagonistes, com heu pogut veure amb aquest el nostre programa. I ho hem fet amb la música de la Clara Luciani, així es diu ella, des del seu àlbum Santa Victòria, publicat el 2018, una extraordinària artista, de la qual hem escoltat el primer single, va néixer el 10 de juliol, de juliol de 1992 a Martigues de França, i aquesta cantant, també membre del grup La Fam, que ens arribava temps enrere, ens porta el que ha estat el seu àlbum de debut. De fet, abans havia editat el 2017 Monstre d'amor, que era un EP que va ser la seva manera de donar-se a conèixer com a cantant en solitari. Anirem escoltant algun dels singles també que formen part d'aquest disc de La Clara, i espero que us agradi també el seu estil musical. C'est un pont perdu sur l'Atlantique. C'est exotique, c'est exotique. C'est un grand secret sous les palmiers. C'est fantastique. Je pourrais te montrer. Pour y aller, c'est très facile. Ferme les yeux et laisse s'entremêler les tessis. Déjà, nous y voilà. Bienvenue sur la terre. Je pense aux fleurs qui sont parfaites faits divers me donnent des insomnies que rien ne me guérit, pas même toi. Quand je cherche un sens à ma longue errance, que rien ne me soulage, rien ne me séduit. Je pense aux fleurs qui sont parfaites et qui n'ont pas d'autre rôle que de l'être. Je pense aux fleurs et c'est bête, mais j'envie la peau des muettes, mais j'envie. Artista que prové d'una família corsa, el seu avi, el qual ella no va conèixer, era de Jazzio. Va créixer en un dels suburbis de Marsella i va formar part de la banda, com hem dit, La Femme, va ser una de les seves veus femenines el 2011, i després el 2015 va acompanyar el cantant Rafael amb el seu tour Sonambles. El 2017 va interpretar al costat de Benjamin Biolay, va realitzar el primer EP i, com hem dit, el 6 d'abril de 2018 va realitzar el seu primer àlbum, aquest Saint Victory, aquesta Santa Victòria, que va ser molt ben rebut per la premsa. El 2019, amb aquest tour que va fer per Austràlia, es va donar a conèixer també amb aquelles contrades, amb tota una sèrie de festivals a Adelaide, Melbourne, Sydney o Brisbane. Hem escoltat la seva música, encara ens queda una altra cançó, que de fet pertanyia a aquest àlbum, del qual hi ha dues versions també, la versió que va sortir primer i després una versió extended, del qual hi ha dos senzills més, que potser un altre dia escoltarem. Però aquesta cançó va ser inclosa a l'àlbum, també estava inclosa, com tu, al EP de presentació de la seva música. És la Clara Luciani. Je veux que c'est le cœur de ton cœur, toi qui me... amb Rafael Corbí. Doncs sí, hola la Music, el programa que ens arriba amb música com aquesta. Je ne sais plus comment te dire. Je ne trouve plus les mots. Ces mots qui te faisaient rire et ceux que tu trouvais beaux. J'ai tant de fois voulu t'écrire et tant de fois courbé le dos. Et pour revivre nos souvenirs, j'ai même aussi frôlé ta peau. Bon, dis-moi, regarde-moi. Je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Parle-moi, parle-moi. Je ne sais plus pourquoi t'aimer et pourquoi continuer. Tu es là, mais tu es si loin de cet amour qui n'en est plus. Je ne sais plus que souffrir, souffrir autant que j'y ai cru. Et je sais qu'il me faut survivre et avancer un pas de plus. Enfin cesse la dérive, des moments à jamais perdus. Oh, dis-moi, regarde-moi. Je ne sais plus comment t'aimer et comment te garder. Oh, dis-moi, regarde-moi. Il y a la vie dans ton rêve. Jo dec tenir una especial debilitat per les artistes quebequeses. Isabel Voley ens aportava les seves cançons, ens porta les seves cançons a través d'un àlbum que aquest artista, nascut a Santa Felicitat, a 1972, el 6 de juliol, concretament, mateix dia que el meu fill, tot i que no del mateix any, òbviament. La Isabel ens porta extraordinàries cançons, és com la Celine Dion, canta com els àngels, si els àngels saben cantar d'aquesta manera. Ella va debutar el 1996 amb el seu primer àlbum i aquest va ser tot una gran sorpresa. El seu primer àlbum triomfador va ser de l'any 2000 i va arribar a ser un número 4 a Bèlgica, al Canadà, i un número 6 a França, i algunes de les seves cançons van ser molt escoltades també aquí. Aquest tema va ser un número 1 a Bèlgica, un número 2 a França, aquest Parlez-moi que estem escoltant. Repassem amb els propers minuts alguna altra de les cançons dels singles editats d'aquest magnífic treball discogràfic d'Isabel. Puisque tu sais le temps qu'il m'a fallu pour arriver au coin de ta rue, puisque

voyage est léger. Aucune amarre pour m'empêcher de partir. Rien à déclarer et rien pour m'alourdir. Comme cette vieille valise remplie de souvenirs. Thank you.